بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 57 dans l'explication du livre du Cheikh Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et des commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. On est arrivé à l'explication des versets des versets dans Sourate An-Nisa 60 à 65. OK? Et donc ça va être comme le tafsir maintenant de ces versets-là. Donc si vous voulez, on va relire les versets puis on va traduire à partir de l'explication où on s'était arrêté la dernière fois. Donc les versets dans sourate An-Nisa dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets là alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc ces versets dans sourate An-Nisa, donc on va lire maintenant la signification de ces versets-là. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qu'on a fait descendre vers toi, ô Muhammad, et à ce qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tahrout, alors que c'est en lui qu'on leur avait commandé de ne pas croire, mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce que Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains, puis ils viendront alors auprès de toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leurs disputes, ou qu'ils ne t'auront pris comme juge dans leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décrété, et qu'ils s'y soumettent complètement à ta sentence. Donc, on va continuer à partir de l'endroit où on s'était arrêté. Dans le verset précédent, on avait expliqué que le verset était révélé à propos de deux personnes qui avaient un conflit ou une dispute, et que l'un d'entre eux c'était un munafiq, un hypocrite, et l'autre c'était un juif, et que le juif a dit moi je veux qu'on aille voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour juger entre nous. Et le juif a demandé qu'on retourne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour juger, non pas parce qu'il croit en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que de toute façon il est juif, donc il ne croit pas en le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais par contre il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'accepte pas de bribe, il n'accepte pas de, de, de pot de vin ou de comme on dit, de soudoiement exactement, qu'on lui donne de l'argent dans le but de juger de manière injuste. Donc, il sait ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la règle générale dans l'islam, c'est que peu importe qui vient pour être jugé par rapport à la loi d'Allah, n'importe quelle personne vient pour demander un jugement, peu importe sa religion, peu importe qu'il soit musulman ou non musulman, la responsabilité et le devoir du juge, c'est de juger en toute impartialité et en toute justice entre les hommes, peu importe qu'il soit kafir, qu'il soit mu'min, qu'il soit mushrik, qu'il soit juif ou chrétien ou autre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu viens à lui, que tu sois juif ou chrétien ou musulman, si tu as raison, il va te donner raison. Si tu as tort, il va dire tu as tort. Il ne va pas juger par favoritisme ou bien pour te faire plaisir ou bien pour quoi que ce soit, non. Hein? Mais par contre, donc le juif, lui, il sait ça. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme ça. Mais malgré tout, il ne croit pas en lui, hein, à cause de sa fierté ou de son orgueil, ou bien pour d'autres raisons, parmi les raisons qui les ont empêchés d'accepter la foi. Tandis que le munafiq, lui, c'est quelqu'un qui prétend croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais au fond de lui-même, il n'y croit pas. Donc qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, je ne veux pas qu'on aille retourner voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour juger. Je veux qu'on aille vers Ka'b ibn al-Ashraf. Et Ka'b ibn al-Ashraf, c'est un juif parmi les juifs de Médine, ou bien de la région de Médine, et c'est quelqu'un qui accepte les soudoiements ou les pots de vin, qui accepte de l'argent pour qu'on juge, hein, injustement. Alors, ce munafiq, il a préféré le jugement de Ka'b ibn al-Ashraf par-dessus le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire le Coran, et ce qui a été révélé avant toi, c'est-à-dire les livres précédents, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, ils veulent prendre pour juge le taghut. Alors waqad umiru an yakfuru bihi, et c'est en ça pourtant qu'ils avaient été ordonnés de renier, de ne pas croire, hein, et de rejeter, c'est ça qu'ils avaient été ordonnés de rejeter. Donc, ce munafiq, en agissant de cette manière, c'est comme s'il disait, je préfère le jugement du taghut sur le jugement de l'islam. Et donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a exposé donc cette situation-là et la réalité de ce que ces gens ont dans le cœur. Et donc, comme je disais au dernier cours aussi, c'est que le croyant, il va accepter le jugement d'Allah. Même si le jugement d'Allah est en sa faveur ou s'il est contre lui, il l'accepte. C'est pas juste quand le jugement est en sa faveur, il vient vers Allah et son messager pour juger, mais quand c'est contre lui, hein, il cherche autre jugement. Non. Ça, c'est l'attitude du munafiq. Le mu'min, il agit pas comme ça. Le mu'min, s'il va aller vers le jugement d'Allah et de son messager, hein, le Coran et la Sunna, pour être jugé, selon la charia d'Allah, et que le jugement, hein, qui est la vérité, qui vient d'Allah, hein, selon les preuves du Coran et de la Sunna, c'est qu'il doit payer, ou il doit recevoir une punition, ou il doit être, il doit être puni d'une punition quelconque, il doit l'accepter. C'est pas juste quand on lui dit, oui, c'est toi qui as raison, on doit te dédommager, ou on doit te rembourser, ou on doit te donner quelque chose. Là, tu dis, ah, ça c'est une bonne religion, ça c'est un bon jugement. Mais quand le jugement, il vient et te dit, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as commis le crime, c'est toi qui es injuste, tu dois maintenant être puni, tu dois maintenant payer, tu dois maintenant, là, tu dis, ah, mais c'est quoi ce jugement? Moi, j'accepte pas, je m'en vais. Hein? Je refuse, je vais aller me faire juger chez les juifs, je vais aller me faire juger chez les chrétiens, je vais aller me faire juger chez, selon la loi de X ou de Y ou de Z, mais je ne vais pas prendre le Coran et la Sunna parce que, hein, j'ai pas raison, dans cette loi-là, dans la loi d'Allah, j'ai pas raison, donc je veux pas l'accepter. Ça, c'est l'attitude du munafiq, l'attitude de celui qui est pas vraiment sincère, il est hypocrite, hein, envers Allah et son messager et envers les musulmans. Donc le cheikh, il dit, et comme on a dit, ça peut être un ifaq majeur, ça peut être un ifaq mineur aussi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ce nifaq, cette hypocrisie, ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement un nifaq majeur. Ça peut être dans certains cas majeur, ça fait sortir de l'islam, ça peut être dans certains cas mineur. Mineur dans le cas où la personne, elle ne renie pas le jugement d'Allah, elle accepte, sauf que, hein, elle suit sa passion. Hein, elle dit oui, j'accepte, je reconnais que ça, c'est la loi d'Allah. Je reconnais que ce jugement-là, il est meilleur. Je reconnais que ce jugement-là, il est obligatoire. Mais quand même, moi, j'ai besoin d'argent. Moi, j'ai besoin d'argent et puis là, je suis mal pris. Hein? Donc, dans ce cas-là, on ne va pas dire que ce nifaq, il est majeur. On ne va pas dire que cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Non, elle est musulmane. Elle a du nifaq, mais ce n'est pas du nifaq majeur. C'est un nifaq amali. C'est un nifaq dans les actions. C'est un nifaq mineur. Ça ne fait pas sortir de la religion musulmane, il est toujours musulman, mais c'est du fisc, c'est du péché qu'il fait, d'accord? Donc il faut faire la différence aussi entre ça, parce que sinon les takfiriens, eux, ils considèrent tout le monde dans la même situation. Tout le monde pense, ils pensent que tout le monde, dans ces exemples-là, tout le monde sont des koufars, et ils pensent que toute personne qui, par exemple, prend le tarot, automatiquement ça veut dire qu'il est kafir ou en dehors de l'islam dans n'importe quelle situation. Alors que dans certains cas, comme on l'a expliqué, ça peut être majeur ou ça peut être mineur. Si c'est majeur, c'est pas la même chose. Si c'est mineur, c'est pas la même chose. Hein? Le cheikh, il dit ensuite, فَالَّذِي يَتَحَاكَمْ. Et en passant, c'est ça que Cheikh Al-Fawzan a expliqué au tout début de son explication du verset. Il a expliqué les différentes catégories, hein, de ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah. Il a dit, celui qui juge par autre que la loi d'Allah parce qu'il pense que les lois des hommes est meilleure que la loi d'Allah. Il a dit, ça c'est du kufr majeur. Celui qui juge par la loi des hommes et qui dit pas que c'est meilleur, mais il dit que c'est équivalent, que c'est égal. Alors là, lui, dans ce cas-là, il est kafir aussi. Parce qu'il dit que c'est égal. Il met la loi des hommes à égalité avec la loi d'Allah. Dans ce cas-là, il est kafir. Hein? Parce qu'il n'y a personne qui est égal. Il n'y a rien qui est égal à Allah et à sa loi. Et il y a d'autres catégories. Il y a une autre catégorie aussi dans laquelle les gens, ils disent pas que c'est supérieur à la loi d'Allah ou que les lois des hommes sont égales à la loi d'Allah. Sauf qu'ils disent, mais c'est pas grave, c'est pas grave que tu juges par la loi d'Allah ou la loi des hommes. C'est comme s'ils disent, c'est permis, c'est pas interdit. Hein? Donc ils rendent halal ce qui est haram. Et à l'istihlal, c'est kufr. De rendre halal ce qui est haram, c'est kufr. Donc ça, c'est un kufr majeur. Hein, aussi. Tandis que la personne, comme on a dit, qui juge par la loi des hommes, mais dans son cœur, elle sait que c'est haram, elle reconnaît que la loi d'Allah est meilleure et qu'elle est supérieure et que c'est pas permis de juger selon une loi faite par l'homme qui contredit la charia d'Allah, mais elle le fait par sa faiblesse, par amour de l'argent ou par la passion ou des choses de ce genre. Alors dans ce cas-là, on va pas dire de cette personne que son kufr est majeur, on va dire d'elle que son kufr est mineur et elle ne sort pas de la religion dans ce cas-là. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça, c'est la ligne qui tranche entre la voie des khawarij et la voie des musulmans d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a qui s'accrochent à la compréhension des salaf al-salih. Donc pour continuer à partir de l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois, le cheikh Al-Fawzan, il dit, فَالَّذِي يَتَحَاكَمْ إِلَى غَيْرِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مُؤْمِنًا بِهِ وَإِنْ كَانَ يَدَّعِ ذَلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ الطَّاغُوتُ هُوَ كُلُّ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَهُوَ طَاغُوتٌ كُلُّ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ سَوَاءَ كَانَ مِنَ الْيَهُودِ أَوْ مِنَ النَّصَارَى أو من غيرهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الله أمر بالكفر بالطاغوت قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأن من شرط الإيمان بالله الكفر بالطاغوت والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إليه. Donc, le cheikh, il explique que celui qui veut juger par autre que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui veut prendre pour juge autre que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ça veut dire pendant sa vie, pendant qu'il était en vie à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, juger selon le messager ou prendre le messager comme juge, ça veut dire de prendre sa sunna. La sunna qui est authentique, de revenir à sa sunna, c'est-à-dire au Coran et à la sunna, pour juger dans nos disputes ou dans nos désaccords ou dans les choses sur lesquelles on a des divergences. Donc ça veut dire que on juge, on ramène notre divergence ou notre conflit, wa alaykoum salam wa rahmatullah, on le ramène à Allah et à son messager, c'est-à-dire au Coran et à la sunna. Donc celui qui refuse de ramener la question ou le conflit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou à sa sunna et qui prétend être musulman et qui prétend croire en le messager, alors cette prétention là elle est fausse. Cette prétention elle est fausse, il ne croit pas réellement en le messager. Jazakallahu khairan. Et donc le cheikh il explique, il dit donc si la personne elle prétend croire au messager alors qu'elle juge par autre que ce que le messager a ramené, alors elle n'est pas vraiment croyante en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ensuite yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, ils veulent prendre pour juge le taghut. Et le cheikh explique que le taghut, par rapport au contexte du verset, il explique que toute personne qui juge par autre que la révélation d'Allah, alors c'est un taghut. Toute personne qui juge par autre que ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna, alors c'est un taghut. Toute personne qui juge par autre que l'islam, peu importe qu'il soit juif ou chrétien ou athée ou communiste ou socialiste ou laïque ou peu importe, démocrate, peu importe qu'est-ce qu'il prend comme juge en dehors d'Allah, en dehors de la révélation d'Allah, alors c'est un taghout. Par rapport à ça, c'est très important de le comprendre. Mais par contre, aussi, il y a certains qui se basent là-dessus pour faire le takfir. Le takfir des dirigeants musulmans actuels. Et ils ne font aucune distinction, comme j'ai expliqué. Pour eux-mêmes, certains, comme le cheikh, il explique qu'il faut... pour que quelqu'un soit croyant, il faut qu'il renie le taghout, comme on l'a dit. Et eux, ils ont compris de ça que ça veut dire qu'il faut déclarer le dirigeant qui juge par autre que la loi d'Allah, il faut le déclarer kafir. Et ça, c'est pas quelque chose qui est... C'est-à-dire que leur compréhension, elle est incorrecte. Et je vais vous expliquer, inshallah, des détails à ce sujet-là pour que ce soit clair, parce qu'il y a une différence entre al-kufr bit-taghut wa takfir al-hukam. Une différence entre les deux. Le taghut, c'est pas seulement dans la définition et l'explication des ulama, celui qui juge par une loi autre que la loi d'Allah. Parce que ça, c'est en réalité une catégorie parmi les catégories des tawarit. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans Al-Usul al-Thalatha, il dit que al-Taghut huwa kullu ma tajawaza haddahu min matbu'in ou min ma'budin ou matbu'in ou muta'. Al-Taghut, c'est toute comme ça c'est une définition qui a été donnée par les ulama, en particulier l'imam Ibn al-Qayyim, il dit toute personne, un tarout, c'est toute personne qui a dépassé sa limite, hein, parmi les choses qui sont adorées ou suivies ou obéies. D'accord? Donc, si quelqu'un est adoré en dehors d'Allah et qu'il est satisfait de ça, alors il est un tarout. Si quelqu'un est suivi dans ce qui contredit la religion d'Allah, alors dans ce cas-là, c'est un tarout, s'il est satisfait d'être suivi dans le faux. Et s'il est obéi dans ce qui contredit la religion d'Allah, hein, et qu'il est satisfait de ça, alors la même chose aussi, ça veut dire que c'est un tarout. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique que le tarout, il est de 5 sortes. Hein? C'est-à-dire qu'il y a 5 têtes. Il y en a les tawarit kathira. Il y en a les tawarit sont nombreux. Il y en a beaucoup. Parmi les tawarit, il y a le shaitan. Il y en a celui qui est adoré par les hommes et qui est satisfait d'être adoré par les hommes. Le sahir, par exemple, le sorcier. Yani, celui qui juge par autre que la loi d'Allah. Hein? Ou d'autres exemples comme ça. Donc ça, c'est les ru'us. Les ulama, ils ont dit ça, c'est les têtes parmi les tawarid. Il y en a plusieurs, mais parmi les plus importants ou les plus grands, hein, ceux qu'on retrouve le plus souvent, il y a ces 5-là que les ulama ont mentionnés. Sauf que il faut comprendre que le terme tarout en lui-même, d'après ce que les ulama ont expliqué, ça peut être de 2 catégories. Ça peut être que la personne est un pécheur, ça peut aussi vouloir dire que la personne est un kafir. Ça dépend du degré ou du cas de la personne. Comme Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, il dit dans son livre Taqiyyid al-Shawarid min al-Qawa'id wal-Fawa'id, il dit à la page 79 à propos du mot tarout: at-tarout ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu wa qad yakunu kafiran wa qad yakunu 'asiyan fa huwa qisman kafir wa 'asin. Donc ça veut dire que le tarout, c'est tout ce qui a dépassé, tout ce par quoi le serviteur dépasse sa limite. Et c'est possible qu'il soit kafir, et c'est possible qu'il soit pécheur, hein, ou désobéissant. Donc c'est de 2 catégories, soit un kafir ou soit un pécheur. Donc c'est pas vrai, hein, comme les takfiriens, eux qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui suivent la voie des khawarij, ils pensent que toute personne qui est décrite comme étant un tarout, qu'il est automatiquement kafir. C'est pas vrai. Ça dépend des cas. Et également, il y a d'autres exemples des paroles des ulama à ce sujet qui indiquent que certaines choses qui sont qualifiées comme étant des tawarid ne sont pas nécessairement dans des kuffars, par exemple. Et parmi les exemples de ça, les définitions qui sont données par les ulama, comme Cheikh Ibn Baz, quand il a donné son charh de Al-Usul al-Thalatha, il dit: فَحَدُّكَ أَن تَكُونَ عَبْدًا مُطِيعًا لِلَّهِ فَإِذَا جَاوَزْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَعَدَّيْتَ وَكُنْتَ طَاغُوتًا بِهَذَا الشَّيْءَ الَّذِي فَعَلْتَهُ فَقَدْ يَكُونُ كَافِرًا وَقَدْ يَكُونُ دُونَ ذَلِكَ. Donc, Cheikh Ibn Baz, il explique dans son charh de Al-Usul al-Thalatha, il dit, donc, ta limite, c'est que tu dois être un serviteur obéissant d'Allah. Hein, tu dois obéir à Allah. Si tu dépasses cette limite, alors tu as dépassé et tu es devenu un tarout, hein, par la chose que tu as faite. Et c'est possible que ce soit un kafir et c'est possible que ce soit moins que ça, hein, quelque chose moindre que ça. Donc ça, c'est dans le charh qu'il a fait de Al-Usul al-Thalatha. Également, parmi les paroles des ulama Il y a d'autres exemples, comme la parole de l'imam Ibn Uthaymin, quand il fait le commentaire de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim au sujet de la définition du Tarut qu'on a donné tout à l'heure, hein, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, tout ce par quoi le serviteur dépasse sa limite, min ma'boudin ou matbou'in ou muta'. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit dans son charh de Kitab al-Tawhid, القول المفيد إلزي ومراده من كان راضيا أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه لأنه تجاوز به حده فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزته الحد بذلك. Donc c'est-à-dire que la personne, comme on a dit tout à l'heure, hein, s'il est suivi, s'il est adoré, suivi ou obéi dans ce qui contredit la religion d'Allah et qu'il est satisfait de ça, dans ce cas-là on va dire que oui, c'est un tarot, hein, dans le sens qu'il est kafir parce qu'il accepte, hein, tout ce qui est contraire à la religion d'Allah, il est satisfait de ça et il accepte ça. Tandis que s'il n'en est pas satisfait, comme si les gens l'adorent et lui, il renie ça, il rejette ça, alors il n'est pas un tarot dans ce cas-là, il n'est pas responsable. C'est comme Isa, alayhi salam, les chrétiens prient à lui et se prosternent devant lui, font des représentations de lui et puis ils l'adorent en dehors d'Allah. Est-ce que Isa, alayhi salam, il est content de ça? Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il est satisfait de ça? Est-ce qu'il a ordonné ça? Non, jamais. Hein? Au contraire, au jour de la résurrection, il va se désavouer de ceux qui ont fait ça avec lui et qui l'ont élevé à un niveau, à un degré de divinité et qui lui ont offert des prières ou des invocations ou des adorations. Hein? Également, même dans les paroles des ulama, on voit que, par exemple, Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, quand il donne les explications, comme je disais tout à l'heure, à propos des tawarit, il dit tawarit kathira wal mutabayyan lana minhum khamsa awwaluhum ash-shaytan wa hakim al-jawr wa akil ar-rishwa wa man 'ubida faradi wal 'amil bighayri 'ilm. Donc il a mentionné des exemples parmi les tawarit, il dit il y en a qui sont plus clairs et il mentionne 5. Le premier c'est le shaytan. Le shaitan, c'est un tarot. Le juge qui est injuste, ça aussi, c'est un tarot. Celui qui mange le rishwa, celui qui accepte les pots de vin et hein, les soudoiements, des trucs comme ça. Également, celui qui est adoré et qui est satisfait d'être adoré. Et il mentionne un autre exemple, il dit « Wal amilu bi ghayri ilm » et celui qui agit sans science. Bon, parmi ceux qui agissent sans science, il peut y en avoir qui agissent sans science en faisant du shirk ou du kufr, qui sortent de l'islam, et il y en a aussi parmi eux qui peuvent faire des choses interdites ou des péchés. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont des kuffars, hein. Donc, il faut comprendre qu'il y a des degrés et que le terme tarot, il ne s'applique pas nécessairement dans le sens pour nécessairement vouloir dire que la personne, elle est en dehors de l'islam. D'accord. Et Cheikh Ibn Uthaymin il dit justement à propos de cette parole-là dans Sharh al-Usul al-Thalatha, il dit ulama as-su alladhina yad'una ila ad-dalal wal-kufr aw yad'una ila al-bid'ah aw ila tahlil ma harrama Allah aw tahrim ma ahalla Allah tawaghit. Donc on voit ici que Cheikh Ibn Uthaymin il classifie même les gens qui appellent à la bid'ah comme étant des tawarit. Parmi les exemples qu'il a dit, parce qu'il a dit les mauvais, les ulama du mal, c'est-à-dire les mauvais ulama, ceux qui appellent à l'égarement et au kufr. Il dit, ou bien qui appellent à la bid'a, hein, ou au bid'a, ou qui appellent à rendre halal ce qui est haram, ou à rendre haram ce qui est halal, sont des tawarit. Donc ça veut dire que la personne qui appelle à des bid'a, hein, eh bien, il est qualifié lui aussi comme étant un tarout. Sauf que ça n'est pas dit qu'on va automatiquement ou nécessairement le déclarer kafir. Hein? Comme ceux, par exemple, qui appellent à célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une bid'ah. Mais est-ce que les ulama déclarent kafir celui qui célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Ils considèrent que ça, c'est de l'égarement, que c'est hein, une bid'ah, mais ils ne vont pas dire qu'il est kafir. Hein? Donc, c'est pour ça que il faut comprendre que le terme tarout, hein, ça ne s'applique pas nécessairement dans le sens de vouloir dire quelqu'un qui est kafir. Et un dirigeant, par exemple, qui juge par autre que la loi d'Allah, mais qui ne rend pas sa halal, hein, et qui le fait par sa passion, considère que c'est un péché qu'il fait, et que c'est interdit, et que la charia d'Allah est meilleure, est supérieure, hein, et qu'il n'y a rien d'égal à la charia d'Allah, hein, eh bien, celui qui, un dirigeant qui fait ça, il juge par autre que la loi d'Allah, son kufr est un kufr mineur. Comme les ulama ont dit, kufrun duna kufr. Hein, une mécréance qui est moindre. Hein, et, même si, selon la charia, il serait qualifié de tarout, ce ne serait pas un tarout dans le sens de quelqu'un qui est kafir. Mais plutôt, son kufr est un kufr mineur et il ne sort pas de la religion. C'est quelqu'un qui a dépassé la limite. Une fois, j'ai posé la question à un frère comme ça, qu'il y a des shubuhat, des khawarij, et qui veut faire le takfir de certains dirigeants. Alors, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu dis d'un père qui interdit à sa fille de mettre le hijab? Ou qu'est-ce que tu dis d'un musulman qui possède un dépanneur, qui ordonne à son employé musulman de vendre des cigarettes et de la bière? Hein? Est-ce que tu vas dire, hein, que c'est un kafir? Parce qu'il ordonne de désobéir à Allah, et il m'a dit oui, c'est un kafir. J'ai dit, Allah al-musta'an, tu ne peux pas dire qu'il est kafir pour ça, à moins que la personne l'a rendu halal explicitement avec sa bouche, hein, et que la personne, elle est connaissante des preuves, et qu'elle les rejette. Alors là, dans ce cas-là, tu vas dire que la personne, elle est kafir. Mais le simple fait de faire un péché, hein, quelqu'un qui fait un péché, tu ne peux pas le déclarer kafir. Tu vas dire que qu'est-ce qu'il fait, c'est haram, c'est un péché, c'est parmi les kaba'ir. Hein? Mais c'est pas dire que la personne n'est pas musulmane à cause de ça. Et si elle ordonne le péché, c'est la même chose. Elle a ordonné un péché, c'est comme si elle a fait quelque chose de haram. Mais tu peux pas dire qu'elle le rend halal juste parce qu'elle l'ordonne. Hein? Elle dit à son employé, yani, par exemple, vend les cigarettes. Sinon, je te mets à la porte. Tu vas dire, ah, parce que tu m'ordonnes de vendre les cigarettes, ça veut dire que je suis kafir. Ça veut dire que tu es kafir parce que tu m'ordonnes de faire ça. Et ça, c'est un péché. Non, ça ne veut pas dire ça. Et le père qui ordonne à sa fille de ne pas mettre le hijab, alors que le hijab, Allah l'a ordonné aux femmes. Ça aussi, c'est un péché. Donc, il ordonne à sa fille de désobéir à Allah. Mais il ne peut pas dire qu'il l'a rendu halal ou bien qu'il est devenu kafir à cause de ça et qu'il est sorti de l'islam. À moins qu'il l'a renié ou qu'il rejette l'obligation complètement, alors s'il renie l'obligation, alors dans ce cas-là, il est kafir. Mais s'il est ignorant ou bien s'il ne le rejette pas, mais il a des shubuhat, par exemple, il dit, mais je veux pas que tu mettes le hijab parce que j'ai peur que si tu sors dehors avec, quelqu'un va t'attaquer ou quelqu'un va te frapper dans la rue ou quelqu'un qui est ignorant, il va te voir, il va vouloir t'arracher ton hijab ou des choses comme ça. Bon, ça c'est une excuse que certains pourraient ramener. Et dans ce cas-là, tu peux pas dire que la personne est kafir. Au contraire, lui, il pense bien faire. Mais ça, c'est pas une raison valable ou bien une excuse pour justifier ça. Parce que beaucoup de femmes musulmanes, elles portent le hijab dans la rue et il n'y a rien qui leur arrive. Hein? À moins que ce soit dans une situation ou dans une société dans laquelle il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de respect de l'ordre. Alors, dans ce cas-là, hein, c'est mieux de ne pas laisser la femme sortir toute seule et de sortir avec elle pour la protéger ou pour, pour, euh, pour être sûr que personne ne va pas essayer de l'agresser, hein. Mais dans une société où il y a de l'ordre, il y a un respect de l'ordre, et qu'il n'y a pas de gens qui agressent les gens dans la rue comme ça, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun danger, il n'y a aucune crainte. Et ce n'est pas donc une excuse valable de dire que quelqu'un, il va, par exemple, ordonner à sa fille de ne pas mettre le hijab parce qu'il a peur pour elle. Ça, ce n'est pas une excuse valable. Hein, parce que ce n'est pas une crainte qui est justifiée. C'est une crainte illusoire, hein, dans ce cas-là. Et donc ça, c'est un exemple. Et aussi par rapport au comme le cheikh il explique maintenant, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. أَمَرَ اللَّهُ بِالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ils veulent que vous preniez comme juge le tarot, alors qu'ils ont été ordonnés de ne pas y croire. Hein? C'est en lui que Allah leur a ordonné de ne pas croire. Et donc, Allah nous ordonne de faire le kufr du tarot. Et le kufr, ça veut dire le fait de ne pas croire, de renier. Hein? Donc, il y a une différence entre le fait de renier le tarot, hein? De renier son adoration, d'être contre. Hein, le fait de l'adorer ou de le suivre ou de l'obéir dans ce qui est contraire à la religion, et le fait de déclarer ce tarot comme étant un kafir, ça c'est deux choses différentes, hein. Donc eux ils disent, ces takfiriens, ils disent, regardez le verset, et même le cheikh il cite le verset 256 dans sourate al-Baqara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ce qui signifie, et donc quiconque a renié le tarot, et alors qu'il a cru en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Et Allah est audient et omniscient. Et donc le cheikh il explique ce verset-là en disant que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en avant le fait de renier le tarot, et ensuite il a mentionné la foi en Allah, comme si pour dire que tant que tu n'as pas renié le tarot, tu ne seras pas vraiment croyant en Allah. Et ici il faut comprendre que le fait de renier le tarot, c'est-à-dire de rejeter ce qui est adoré en dehors d'Allah et de ne pas accepter, hein, que d'autres que Allah soient adorés, ou que d'autres que Allah soient obéis dans ce qui contredit la religion d'Allah, ou que d'autres soient suivis dans ce qui contredit la religion d'Allah, c'est ça le fait de renier le tarot et de faire le kufr, c'est-à-dire le kufr, c'est-à-dire le fait de rejeter et de renier et de se désavouer. C'est ça que ça veut dire, le fait de faire le kufr bit tarot. En ce qui concerne le takfir ou tarot, ça c'est autre chose. De déclarer le tarot kafir, ça c'est autre chose. Parce que peut-être que le tarot en question, il est peut-être pas kafir. Hein? Comme par exemple une idole, une statue. C'est un tarot. Mais est-ce que tu vas dire que la statue, elle est kafir? La statue, elle est même pas vivante. Comment tu vas dire d'une statue qu'elle est kafir? Hein? Si quelqu'un, il adore une vache, il se prosterne devant la vache, comme les hindous, ils adorent les vaches et les singes et les éléphants et toutes sortes d'animaux. Tu vas dire que les vaches et les éléphants et les singes et les... Ça, c'est des koufars. Tu fais le takfir des vaches, tu fais le takfir des singes, tu fais le takfir des éléphants. Non, c'est pas ça que ça signifie. Le kufr bit-tahout, c'est-à-dire de renier que ces choses-là soient adorées en dehors d'Allah. C'est ça ce que ça signifie. Et si le dirigeant, il ordonne un péché, ou il fait des péchés, hein, et des choses de ce genre, alors tu dis... Yani, ce qu'il fait, c'est haram. Il n'a pas le droit. Ou s'il juge par les lois des hommes, par exemple. Il est dans un pays, dans son pays, il y a des lois qui contredisent la religion de l'islam. Il y a des lois qui contredisent l'islam. Donc tu vas dire, ce qu'il fait, c'est contraire à l'islam. Et c'est haram. Hein? Mais tu ne vas pas dire qu'il est kafir parce qu'il juge selon des lois faites par l'homme. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire que le fait qu'il juge par ces lois-là, que ça veut dire qu'il accepte ou qu'il est d'accord avec ces lois-là. Hein? Peut-être qu'il a une autre raison pourquoi il juge par ces lois-là, et qu'au fond de lui, il sait que la loi d'Allah c'est la meilleure, et il accepte que la religion d'Allah, il n'y a rien qui est au-dessus de la religion d'Allah, et il renie. Hein, il dit ça c'est haram, mais j'ai pas le choix parce que peut-être qu'il a des raisons pourquoi il fait ça, peut-être pour de l'argent, ou peut-être pour une passion, ou peut-être pour d'autres choses comme ça. Hein? Mais quand tu lui demandes, est-ce que Allah il a interdit le zina? Il dit oui, Allah il a interdit le zina. Est-ce que le zina c'est haram? Oui, le zina c'est haram. Il va pas dire que c'est halal. Hein? Sauf que dans son pays, il juge que celui qui fait le zina, il va pas avoir de punition, par exemple. Ça, c'est jugé par autre que la loi d'Allah. Ça, c'est haram. On n'a pas le droit de faire ça. Et l'obligation pour le musulman, c'est de croire que le zina, c'est haram, et que la punition pour celui qui fait le zina, hein, il mérite d'être lapidé, hein, à mort. Si c'est une personne qui était mariée et que par la suite il a eu des rapports en dehors du mariage, il mérite la lapidation. Ça c'est le hukm dans la charia. Et t'es obligé en tant que musulman de croire en ça. Hein? Si tu crois pas en ça, t'es pas musulman. Mais ça veut pas dire que si tu l'appliques pas, que t'es kafir. Peut-être qu'il y a une raison pourquoi tu l'appliques pas. Qui est pas relié au fait que tu renies cette chose-là ou ce jugement-là. Et c'est ça qui est important de comprendre. De toute façon, l'application de ce jugement, il est explicite, c'est-à-dire il est réservé aux dirigeants d'un pays et à ses représentants, c'est-à-dire les juges qu'il a mis en place. C'est à lui d'appliquer ce jugement-là et à ceux qui sont dans les tribunaux de juger selon le jugement d'Allah. Si eux, ils ne le font pas, alors c'est pas aux citoyens ou aux individus du pays de décider de l'appliquer. Non, ça c'est pas permis. Hein? C'est comme ici par exemple au Canada, il y a des lois dans le pays. Au Canada, il y a des lois. Si quelqu'un tu le trouves en train de voler, est-ce que tu vas l'amener chez toi, l'enfermer dans dans ton sous-sol? Tu vas le mettre dans une cage, tu dis, t'as volé, maintenant je te mets en prison, je t'enferme chez moi pendant 5-6 ans. Non, tu peux pas appliquer la loi toi-même. Hein? Y a un système qui s'occupe d'appliquer ces peines-là. Et bien, dans l'islam, c'est la même chose. Il y a des koufars, ils pensent quand on dit la lapidation, ça dit, les gens dans la rue, ils vont ramasser des roches, ils vont voir quelqu'un et dire, ah lui, il a fait le zina, on va le lapider. Et là, on va lui lancer des roches comme ça pour le tuer. Non, c'est pas permis de faire ça. Même que si des musulmans dans la rue voulaient lapider quelqu'un d'eux-mêmes, sans l'autorisation du chef de l'État, du dirigeant musulman, du président ou de celui qui est au pouvoir, c'est eux qui seraient punis. Hein? Il serait accusé d'avoir tué quelqu'un, d'avoir commis un crime et en plus d'avoir essayé de se mettre à la place du dirigeant pour appliquer les règles. Ça, c'est pas permis. Hein? Donc, il y a des takfirines ou des khawarij qui disent, oui, mais qu'est-ce qui arrive si le dirigeant ne le fait pas alors? Eh bien, s'il ne le fait pas, c'est lui qui va être puni. C'est lui qui va être jugé devant Allah au jour de la résurrection. Hein? Mais c'est pas parce que lui ne le fait pas, tu dis, moi, je vais le faire à sa place. Non. Parce que toi, tu n'as pas cette responsabilité-là. Et si tu essaies de le faire à sa place, tu dépasses ta limite. Hein, parce que tu n'es pas dirigeant. Hein? C'est comme si, par exemple, un homme, il éduque pas ses enfants bien chez lui. Toi, tu rentres chez lui, tu ouvres la porte, tu dis, moi, je vais éduquer tes enfants pour toi à ta place. En quelle autorité tu vas faire ça? Qui t'a donné le droit de rentrer même chez cette personne et de te donner le droit de vouloir éduquer ses enfants pour lui? Tu ne peux pas faire ça. Hein? Donc tu respectes ta limite et ta place. Si quelqu'un ne fait pas son devoir, Allah il va le juger au jour de la résurrection. Et soit que c'est le dirigeant, soit que c'est quelqu'un qui a une autorité, comme le père de famille, il a une autorité sur sa famille. Maintenant, toi, en tant que musulman, Une de tes obligations ou bien un de tes devoirs, c'est de donner le bon conseil à ce dirigeant-là. Si tu es capable de lui faire parvenir le bon conseil et de lui rappeler d'Allah et de lui expliquer la religion d'Allah, alors dans ce cas-là, fais-le. Toutefois, si tu n'es pas capable de le faire, tu es excusé. Hein? Si tu n'es pas capable de le faire, tu es excusé. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de péché sur toi. Par contre, si tu as la capacité, supposons que tu es un savant parmi les savants du pays, ou bien que tu es quelqu'un que le dirigeant écoute parmi ses conseillers ou parmi ses proches, hein, le dirigeant c'est ton frère, hein, ou c'est ton neveu, ou bien c'est ton cousin, ou bien c'est ton ami, hein, ou bien c'est quelqu'un de proche à toi, ou bien tu es un de ses ministres, ou un de ses conseillers, ou un des maires d'une ville de son pays. Tu le connais bien. Si tu vas aller le voir, tu vas lui parler, il va t'écouter. Ou bien il va pas nécessairement accepter ce que tu lui dis, mais il va pas renier ou rejeter complètement. Peut-être il va prendre en considération ce que tu lui dis. Ou bien t'es son épouse. Peut-être t'es une femme, t'es mariée avec ce président ou bien ce dirigeant-là. Donc tu vas lui faire le conseil, tu vas lui rappeler d'Allah. Tu vas lui mentionner les paroles d'Allah, les versets du prophète, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de tel ou de tel sujet pour dire, tu sais, tu dois juger selon ce que Allah a révélé, tu dois être juste, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire des péchés, tu ne dois pas faire des injustices aux gens et ainsi de suite. Là, c'est correct. Mais si toi, tu n'as pas cette proximité-là ou tu n'as pas cette capacité-là d'accéder aux dirigeants et de lui passer le bon conseil, dans ce cas-là, tu n'auras pas commis un péché, parce que tu as fait ce que tu peux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas mettre sur une âme une charge qu'elle n'est pas capable de supporter. Et il dit aussi, dans un autre verset, fattaqullaha mastata'tum, c'est-à-dire préservez-vous d'Allah le plus que vous en êtes capable. Donc tu vas te préserver d'Allah en appliquant ses ordres, en s'écartant de ce qu'il a interdit selon ta capacité. Si c'est quelque chose qui dépasse ta capacité, Allah il va pas te punir, hein. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aussi ma amartukum bihi فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. C'est-à-dire, ce que je vous ai ordonné de faire, faites-en ce que vous êtes capable. Et ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Donc ça veut dire, dans la religion d'Allah, il y a une règle générale, et cette règle générale, ça dit que l'obligation est limitée par la capacité de l'être humain. Et si quelqu'un, il est dans l'incapacité d'appliquer quelque chose de la religion, alors il en est excusé. Si par exemple quelqu'un il s'est cassé une jambe, hein, il peut pas prier debout. Est-ce que tu vas lui dire non, même si ta jambe est cassée, tu dois prier debout quand même, hein? Non. S'il peut pas s'asseoir dans le sujoud ou dans le recours, quand il est assis dans la salat, il peut pas faire le tashahhud, il peut pas s'asseoir. Tu dis non. Même si ta jambe est cassée, hein, tu as de l'arthrose, tu as des douleurs dans les jambes, c'est pas grave. Tu dois souffrir et tu dois quand même prier assis. Hein? Est-ce que c'est comme ça la religion d'Allah? Non. La religion d'Allah, elle est établie sur al-yusr, sur la facilité, et sur al-rahma, sur la miséricorde. Donc, il n'y a pas de difficulté. Si quelqu'un ne peut pas prier debout, il ne peut pas prier assis, il prie dans la façon dont il est capable. S'il ne peut pas prier debout, il prie assis. S'il ne peut pas prier assis, il va prier couché. Peu importe la façon, l'important, s'il n'est pas capable, il fait ce qu'il est capable. C'est ça la religion. C'est ça l'islam. Donc, la religion, elle est basée sur la facilité. Et qu'est-ce que quelqu'un, quand quelque chose dépasse la capacité d'une personne, il en est excusé. C'est comme ça aussi les dirigeants aujourd'hui. Il y a certains parmi les khawarij et les gens qui prétendent au djihad, parmi les khawarij, les takfiriyin et les djihadiyin, ils disent ah, mais les dirigeants aujourd'hui, ils sont pas des musulmans parce qu'ils font pas le djihad contre les Américains et contre les Européens, les pays de kufr. Hein? Et donc, eux, ils disent, peu importe la situation des pays musulmans, il faut absolument qu'on combatte et qu'on fasse le djihad contre eux, dans toutes les situations. Ça c'est de l'absurdité, ça c'est de l'ignorance, hein? Parce que comment tu vas combattre quelqu'un qui a un pouvoir et une force militaire tellement grande que tu ne peux même pas l'affronter? Ils disent non, c'est pas grave ça, hein? كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Hein? Combien de petits groupes, hein, ont réussi à battre des groupes très grands par la permission d'Allah, hein? Oui, dans certains cas, oui, c'est vrai, quand ils ont la foi élevée et quand les moyens sont proches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un écart trop grand. Mais dans une situation comme la situation actuelle, hein, de faire des comparaisons ou des analogies entre qu'est-ce qui se faisait dans certains cas et dans le cas actuel, c'est pas comparable. Il faut être réaliste. Si quelqu'un, par exemple, tu dis s'il veut, il va juste lâcher une bombe sur une ville aujourd'hui, il va détruire tous les habitants en une fraction de seconde. Hein? S'il veut, il fait comme ça. Hein? Il lance une bombe et c'est comme 100 000 habitants qui sont morts d'un seul coup. Tu vas dire, ça, on est capable de combattre ça? Non. Mais on ne dit pas ça dans le but de dire que c'est pas que, c'est-à-dire on ne peut jamais réussir à avoir le dessus ou on n'aura jamais la victoire. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est dans le sens qu'il faut prendre en considération et tenir compte des réalités, hein, de la situation. C'est-à-dire que le musulman, il n'est pas naïf au point où il nie les réalités. Hein. Il tient compte des causes et des effets. Hein. Il met sa confiance en Allah, mais aussi il regarde les réalités des choses. Hein. Il ne va pas ordonner quelque chose qui va l'amener à sa perte. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Hein? Ne faites pas que vos mains vous amènent à votre propre perte. Hein? Donc il faut être réaliste et il faut prendre les moyens nécessaires et comme on dit par rapport aux questions par rapport au tarot ou au tawarid, j'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair. Parce que j'ai dernièrement, je parlais avec des jeunes frères, puis ça commence à revenir, les idées des khawarij et des takfiriens, ça commence à devenir de plus en plus à la mode. Il y a j'ai l'impression, wallahu a'lam, c'est d'après ce que j'ai constaté de qu'est-ce que j'entends autour de la part de certains. Et c'est surtout par rapport à qu'est-ce qui se passe dans certains pays, par exemple, s'ils voient qu'un pays, par exemple, ils voient des péchés qui se font dans ce pays-là, alors que c'est un pays conservateur qui respecte les règles de l'islam et qui appelle à la charia. Puis après, ils voient que dans ce pays-là, il y a des péchés qui se produisent et que c'est des péchés qui sont faits, par exemple, ouvertement. Ils vont dire, ah, regardez, ça c'est du kufr, parce qu'ils font, il y a tel péché qui se fait là-bas et là il y a ci et il y a ça. Hein? Non, ça c'est pas une justification pour faire le takfir de ce pays-là. Parce que des péchés, il y en a dans tous les pays musulmans. Et même si c'est un pays qui applique la charia, ça ne veut pas dire que c'est un pays qui va être parfait ou qu'il n'y aura aucun péché. Hein? Donc, celui qui pense que, subhanallah, celui qui pense que c'est dans un pays musulman, il y a un péché qui se fait, que ça veut dire que le dirigeant devient kafir, ou que ce pays-là n'est plus un pays musulman, ou que c'est des munafiqines, parce qu'il y a un péché qui se fait dans ce pays-là, c'est parce que ces gens-là, ils n'ont rien compris de la religion musulmane. Hein? Pourquoi? Parce que le fait de vouloir déclarer ce dirigeant-là kafir parce qu'il a fait un péché, ou bien parce qu'il y a un péché qui se passe dans son pays, eh bien, ça veut dire qu'il suit la voie des khawarij. Il déclare kuffar des musulmans pour un péché. Depuis combien de temps dans ces pays-là, par exemple, dans les pays musulmans, on trouve que, par exemple, il y a des banques à riba, des banques avec de l'intérêt. Et les ulama de ces pays musulmans qui disent le riba c'est haram. Le riba c'est haram. Et quand on a demandé par exemple à Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, est-ce que c'est permis de travailler à la banque? Mais je ne vais pas travailler à l'intérieur de la banque, je vais être portier. Je vais juste être gardien de sécurité à la porte de la banque. Je ne vais pas être dedans la banque. Est-ce que j'ai le droit de travailler là-bas? Cheikh Ibn Baz, il a dit non. Même portier à la porte, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que ça rentre dans At-ta'awun 'ala al-ithmi wa al-'udwan, c'est-à-dire de collaborer ou de s'entraider dans la transgression et dans le péché, dans la transgression. Donc, si c'est pas permis même de travailler comme portier à la banque, que dire de celui qui travaille dans la banque, hein? Et donc, mais malgré tout, on va pas utiliser ça comme preuve ou justification pour dire, ah ben, s'il y a la banque dans le pays, ça veut dire qu'ils l'ont rendu halal. Et ça veut dire que ça, c'est des koufars. Parce que c'était ça leur logique. Ou leur argument, hein. Mais ça veut rien dire. C'est-à-dire, c'est un péché, c'est haram. Les ulama, ils le clarifient, ils l'expliquent. Et en même temps, lorsqu'on condamne un péché, ou lorsqu'on dénonce un péché, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man ra'a minkum munkaran, fal yughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'afu l'iman. C'est-à-dire, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il ne peut pas le changer par sa main, qu'il le change par sa langue. Et s'il ne peut pas le changer par sa langue, qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau de la foi. Hein? Eh bien, eux, ils disent, bon, ça veut dire que si on a vu un péché dans le pays, ça veut dire le dirigeant, il a fait ce péché-là. Donc, il faut dire aux gens, ah, regardez, qu'est-ce qu'il a fait, le dirigeant, il a fait tel péché. Non. Cheikh Ibn Uthaymin, on lui a posé la question, comment on condamne un péché dans le pays lorsque... Hein, il y a un péché dans le pays, ou lorsque le dirigeant fait un péché, comment on fait pour ordonner le bien, interdire le mal, ou pour interdire le mal avec par rapport à ce péché là le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, si tu vas ordonner le bien, interdire le mal à ce dirigeant là qui fait le péché, tu vas pas le cibler lui en particulier et le désigner lui en particulier devant tout le monde. Ça, c'est la honte que tu lui fais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, telle action ou tel péché, ça c'est haram dans l'islam. La musique, c'est haram. Les chanteurs, les chanteuses, ça c'est haram. Hein? Le riba, c'est haram dans l'islam. T'as pas besoin de pointer ou de dire, tel dirigeant, il a fait ci ou il a fait ça. Parce que si tu désignes ou si tu spécifies tel dirigeant ou tel autre, eh bien là, tu vas faire à ramener la colère et la haine des gens contre lui. Et en même temps, tu parles dans son dos. Hein? Même n'importe quel d'entre nous, il n'accepterait jamais que quelqu'un fasse ça avec lui. C'est-à-dire que moi, je monte sur le minbar aujourd'hui, là, et que je vois des gens dans la mosquée, je dis, hey, « Hé, toi, hein, Ya Zaid, pourquoi t'as rasé ta barbe aujourd'hui, hein? T'as rasé ta barbe, tu crains pas Allah? Pourquoi tu fais ça? Ça c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, "Unfu al-liha." Hein? Il va avoir, est-ce qu'il va être content, lui, que je fasse ça? Est-ce qu'il va aimer ça? Que je dise ça devant tout le monde? Ou bien il va être gêné, il va avoir honte? Peut-être il va même me détester à cause de ça pour toujours. Mais c'est pas la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné le bien, il a pas interdit le mal de cette façon-là. Le prophète, quand il parlait devant des gens, s'il leur donnait le bien, il interdisait le mal, hein, il disait, ma balu aqwamin fa'alu kaza wa qalu kaza. J'ai entendu des gens qui ont dit telle chose, ou des gens qui ont fait telle chose. Et puis il clarifiait, il disait, ça c'est pas bien, ça c'est haram, ça c'est pas correct, ça c'est interdit. Et il expliquait de cette façon-là. D'accord? Donc, ça c'est pour une personne parmi les musulmans ordinaires. Et si je le désignais ou je le ciblais devant tout le monde dans la mosquée, hein, eh bien, yani, ça, c'est-à-dire que ça ferait du tort à cette personne-là seulement. Mais si je désigne le dirigeant, celui qui est responsable des musulmans dans ce pays, eh bien là, c'est plus cette personne seulement qui sera touchée par ça, mais ce sera tous les musulmans, parce que lui, il est responsable de toute la communauté. Donc ça revient le mal contre toute la communauté au complet aussi. Parce que lui, peut-être que par la suite, à cause de ça, ça va créer des conflits, des rébellions, des manifestations, ou des rejets, ou bien plein d'autres problèmes. Hein? Le mal qui va découler de cette attitude-là ou de cette méthodologie-là, il va y arriver beaucoup de mal à cause de ça. Et cette méthodologie de faire ça comme ça, d'ordonner le bien ou d'interdire le mal de cette façon publique, hein, vis-à-vis des dirigeants, ça c'est la voie des Khawarij, la voie des aussi des Mu'tazila, hein, mais c'est pas la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce que la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est la voie de la sagesse, hein, c'est la voie de la sagesse, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie des Sahaba radiyallahu anhum. D'accord? Donc j'ai voulu parler de ça ici parce que le cheikh il explique ces versets là et je sais que en ce moment il y a beaucoup de choubouhat qui circulent par rapport à ces questions là et qui et il y en a qui de toute façon depuis des années faisaient déjà le takfir des pays musulmans et là parce qu'ils voient un péché qui est fait publiquement ils utilisent ça comme justification. Ah, vous voyez, ces gens-là, regardez maintenant le péché qu'ils font. Hein? Est-ce que le péché, ça justifie le takfir? Non. Est-ce que le fait qu'un musulman fasse un péché, ça veut dire qu'il est kafir à cause de ça? Non. Sinon, tu vas faire le takfir de tous les musulmans sur la terre. C'est quel musulman qui peut dire qu'il n'a jamais fait de péché? Hein? Donc, les péchés, c'est haram, c'est grave. Allah il déteste. Hein? Et ça fait partie des kaba'ir. Et celui qui les fait, il est sous la menace du châtiment d'Allah, il n'y a pas de doute que ça affecte sa foi et que ça la fait diminuer. Ça, il n'y a pas de doute que la personne, il mérite des punitions. Mais, est-ce que tu vas dire à cause de ça que la personne est sortie de la religion complètement, qu'il va être éternellement en enfer, comme les Khawarij? Ça, c'est la voie de l'extrême, de l'extrémisme. Et ça, c'est pas une voie qui est approuvée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la prochaine fois inshallah la suite de l'explication de ces versets. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilay wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum inshallah.